Chapitre 8. Le conteur parle. Le soir, au lit, nous avons de longs entretiens, longs et souvent très sérieux. Maintenant que je peux comprendre Théura, en qui dorment et parfois rêvent ses aïeux, je m'efforce de voir et de penser par cette âme d'enfant et de retrouver en elle les traces du lointain passé, bien mort, socialement, mais qui persiste en de vagues souvenirs. J'interroge, et toutes mes questions ne restent pas sans réponse. Peut-être les hommes, plus directement, asservis à notre conquête ou séduits à notre civilisation, ont-ils oublié? Les dieux d'autrefois se sont gardés un asile dans la mémoire des femmes. Et c'est un émouvant spectacle que Théura me donne, quand, à ma sujection, peu à peu se réveillent dans sa pensée les divinités nationales, en secouant les artificielles voiles où les missionnaires protestants ont cru les ensevelir. En somme, l'œuvre des catéchistes est très superficielle. Leur action, particulièrement sur les femmes, a mal répondu à l'espoir qu'ils en avaient conçu. Les enseignements est comme une faible couche de vernis qui s'écaille et cède vite à la moindre atteinte adroite. Théura va au temple régulièrement et pratique des lèvres et des doigts la religion officielle. Mais elle sait par cœur, et ce n'est pas un petit bagage, les noms de tous les dieux de l'Olympe maori. Elle connaît leur histoire. Elle m'enseigne comment ils ont créé le monde, comment ils le gouvernent, comment ils aiment à être honorés. Quant aux rigueurs de la morale chrétienne, elle les ignore, ou ne s'en soucie, et par exemple, ne songe guère à se repentir d'être la concubine, comme ils disent, d'un tanné. Je ne sais trop comment elle associe dans ses croyances Taora et Jésus. Je pense qu'elle les vénère tous les deux. Au hasard des circonstances, elle m'a fait un cours complet de théologie tahitienne. En retour, je tâche de lui expliquer, selon les connaissances européennes, quelques phénomènes de la nature. Les étoiles l'intéressent beaucoup. Elle me demande comment on nomme en français l'étoile du matin, celle du soir et les autres. Elle a peine à comprendre que la Terre tourne autour du Soleil. Elle me nomme les étoiles dans sa langue. Et pendant qu'elle parle, je distingue à la propre clarté des astres qui sont les divinités elles-mêmes, les formes sacrées des maîtres maoris de l'air et du feu, des îles et des eaux. Les habitants de Tahiti, aussi haut qu'on puisse remonter dans leur histoire, ont toujours possédé des connaissances assez étendues en astronomie. Les fêtes périodiques des Areois, membres d'une société secrète, à la fois religieuse et militaire, qui régna sur les îles et dont je vais avoir l'occasion de parler, étaient fondées sur les évolutions des astres. Les Maoris semblent même n'avoir pas ignoré la nature de la lumière lunaire. Ils supposaient que la Lune est un globe sensiblement pareil à la Terre, habité comme elle, riche en production, analogue au nôtre. Ils évaluaient à leur manière la distance de la Terre à la Lune. La semence de l'arbre Ora fut apportée de la Lune sur la Terre par un pigeon blanc. Il lui avait fallu deux lunes pour atteindre le satellite. Et quand, après deux autres lunes, il retomba sur la Terre, il était sans plume. Cet oiseau est de tous ceux que connaissent les Maoris, celui qui passe pour avoir le vol le plus rapide. Mais voici la nomenclature tahitienne des étoiles. Je complète la leçon de Théura à l'aide d'un fragment de très ancienne écriture, trouvé dans la Polynésie. Est-il trop audacieux d'y voir l'ébauche d'un système raisonné d'astronomie plutôt qu'un simple jeu d'imagination? Elle donna naissance à son roi, le sol, puis au crépuscule, puis à la nuit. Alors, Roua répudia cette femme. Roua, grande, est son origine, dormait avec la femme dite Grande Réunion. Elle donna naissance au règne des cieux, les étoiles, puis à l'étoile Tahiti, étoile du soir. Le roi des cieux doré, le seul roi, dormait avec sa femme Fanoui. D'elle est né l'astre Taurahua, Vénus, l'étoile du matin. Le roi Taurahua, qui donne des lois à la nuit et au jour, aux autres étoiles, à la lune, au soleil, et sert de guide aux marins. Taurahua fit voile à gauche vers le nord et là, dormant avec sa femme, il donna naissance à l'étoile rouge, cette étoile qui brille le soir sous deux faces. Étoile rouge, volant dans l'ouest, prépara sa pirogue, pirogue du grand jour, qui cingla vers les cieux. Il fit voile au lever du soleil. Réoua s'avance dans l'étendue. Il dort avec sa femme, Oura Taneipa. Deux sont nés les rois gémeaux en face des Pléiades. Ces gémeaux sont assurément les mêmes que nos Castor et Pollux. Cette première version de la genèse polynésienne se complique de variantes qui ne sont peut-être que des développements. Taroa dormait avec la femme qui se nomme déesse du dehors ou de la mer. D'eux sont nés les nuages blancs, les nuages noirs, la pluie. Taroa dormait avec la femme qui se nomme déesse du dedans, ou de la terre. D'eux est né le premier germe. Est né ensuite tout ce qui croit à la surface de la terre. Est né ensuite le brouillard des montagnes. Est né ensuite celui qui se nomme le fort. Est né ensuite celle qui se nomme la belle ou l'ornée pour plaire. Maui, ce Maui semble se confondre avec Taroa, ainsi que Rua, qui créa les étoiles. Ce sont peut-être les noms divers du même dieu. Va lancer sa pirogue. Il s'assied dans le fond, à son côté droit pend la meçon, attachée à la ligne par des tresses de cheveux. Et cette ligne qu'il tient dans sa main et ses tameçons, il les laisse descendre dans les profondeurs de l'univers pour pêcher le grand poisson, la terre. La meçon a mordu. Déjà se montrent les axes, déjà le dieu sent le poids énorme du monde. Tefatu, le dieu de la terre et la terre elle-même, pria la meçon, émerge de la nuit, encore suspendu dans l'immensité. Maui a pêché le grand poisson qui nage dans l'espace et qu'il peut à présent diriger selon sa volonté. Il le tient dans sa main. Maui règle, en outre, le cours du soleil, de telle sorte que le jour et la nuit soient d'égale durée. Je demandai à Tehura de me nommer les dieux. Dormait Taraoa avec la femme Oina, déesse de l'air. Sont nés deux l'arc-en-ciel, le clair de la lune, puis les nuages rouges, la pluie rouge. Dormait Taraoa avec la femme Oina, déesse du sein de la terre. Est né deux Tefatu, le génie qui anime la terre, et qui se manifeste par les bruits souterrains. Dormait Taroa avec la femme dite au-delà de toute terre. D'eux sont nés les dieux Teri et Rua Noaouya, puis Ro, qui sortit du ventre de sa mère par le côté. Et de la même femme naquirent encore la colère et la tempête, les vents furieux et aussi la paix qui les suit. Et la source de ces esprits est dans le lieu d'où sont envoyés les messagers. Mais Tehura convient que ces filiations sont contestées. Voici la classification la plus orthodoxe. Les dieux se divisent en Atuas et Oromatuas. Les Atuas supérieurs sont tous fils et petits-fils de Taraoa. Ils résident dans les cieux. Il y a sept cieux. Taraoa et sa femme Fei Fei Maiterai eurent pour fils Oro, le premier des dieux après son père, et qu'eut lui-même deux fils, Tetai Mati et Oru Tetefa. Ra, père de Tetua, Oru Uru Feo To. Te'eme Roa Roa. Te'urai Tia Otu. Temu Ria. Tane, père de Peu Raou Rai. Piata Aua. Piata Roroa. Prari Iti Matai. Patia Tora. Tane Ae Rirai. Ro Thierry Tefatu Rua Nua. Toma Ora Rua Otia. Moe Tupa Panua Tefatu Tire. Tefatu Tau Tau. Peurai, Maui, Arana. Paumauri, Iro Rui. Fanura, Fatu Ui, Ri. Chacun de ces dieux a ses attributions particulières. Nous connaissons déjà les œuvres de Maui et de Tefatu. Tane a pour bouche le septième ciel, et cela signifie que la bouche de ce dieu, qui a donné son nom à l'homme, est l'extrémité du ciel par où la lumière commence à éclairer la terre. Ri sépara les cieux et la terre. Rui gonfla les eaux de l'océan, rompit la masse solide du continent terrestre et le divisa en ses innombrables parties, qui sont les îles actuelles. Fanura, de qui la tête touchait au nu et les pieds au fond de la mer, et Fatu Ui, autres géants descendirent ensemble à Eiva Terre, inconnue pour combattre et détruire le cochon monstrueux qui dévorait les hommes. Hiro, dieu des voleurs, faisait avec ses doigts des trous dans les rochers. Il délivra une vierge que des géants retenaient dans un lieu enchanté. D'une seule main, il arracha les arbres qui cachaient au jour la prison de la vierge, et le charme fut rompu. Les Atuas inférieurs s'intéressent particulièrement à la vie et au travail des hommes, sans partager leurs habitations. Ce sont les Atuas Mao, dieu requin, patron des navigateurs, les Peo, dieu et déesse des vallons, patron des agriculteurs, les Noté, Upas, patron des chanteurs, des comédiens et des danseurs, les Raou Pava Maïs, patrons des médecins, les No Apas, dieux auxquels on faisait des offrandes, afin d'être protégés par eux contre les maléfices et les enchantements, les Otanou, patrons des laboureurs, les Tane Iteas, patrons des charpentiers et des constructeurs, les Minyas et les Papeas, patrons des couvreurs, les Matatini, patrons des faiseurs de filets, les Oromatoas, sont les dieux domestiques, les lares. Il y a les euromatouas, proprement dit, et les génies. Les euromatouas punissent les fauteurs de querelles, maintiennent la paix dans les familles. Ce sont les varnatatas, hommes des hommes et des femmes morts dans chaque famille. Les eriorios, âmes des enfants morts en bas âge et de mort naturelle. Les puaras, âmes des enfants qu'on tuait à leur naissance et qui revenaient dans le corps des sauterelles. Les génies sont des divinités supposées, ou plutôt sciemment imaginées par l'homme. À tel animal, à tel objet, sans motif apparent, sinon réel, de choix, il attribue le sens divin. Et dès lors, il les consultera dans toutes les circonstances importantes. Un arbre, par exemple. Il y a peut-être là une trace de la métempsychose indienne, que les Maoris ont très probablement connue. Leurs chants historiques et leurs légendes abondent en fables, où l'on voit les grands dieux revêtir la forme des animaux et des plantes. Après les Atuas et les Euromatuas, viennent au dernier rang de la hiérarchie céleste les Ti. Ces fils de Tarawa et d'Inda sont très nombreux. Esprits inférieurs aux dieux, étrangers aux hommes, ils sont dans la cosmogonie maori intermédiaire entre les êtres organiques et les êtres inorganiques, défendant contre les usurpations de ceux-là les droits et prérogatives de ceux-ci. Voici leur origine. Dormait Taharoa avec Ina et de Naki Ti. Dormait Ti avec la femme Annie, désir, et de son nez, désir de la nuit, messager des ténèbres et de la mort, désir du jour, messager de la lumière et de la vie, désir des dieux, messager des intérêts célestes, désir des hommes, messager des intérêts humains. Sont nés ensuite Ti de l'intérieur, qui veille sur les animaux et sur les plantes, Ti du dehors, qui garde les êtres et les choses de la mer, Ti des sables et Ti des rivages, et Ti des terres mouvantes, Ti des rochers et Ti des terres solides. Sont nés plus tard encore événement de la nuit, événement du jour, aller et revenir, le flux, le reflux, le donner et le recevoir, le plaisir. Les images des Ti étaient placées aux extrémités des Maraes, temples, et limitaient l'enceinte des terres sacrées. On en voyait sur les rochers, sur les rivages, et ces idoles avaient la mission de marquer la limite entre la terre et la mer, de maintenir l'harmonie entre les deux éléments, de conjurer leurs empiétements réciproques. Des voyageurs modernes ont encore pu voir, dans l'île de Pâques, quelques statues de Ti, ébauches colossales participant des formes humaines et des formes animales. Elles attestaient une conception particulière de la beauté et une réelle adresse dans l'art de tailler la pierre, d'en superposer les blocs architecturalement avec des combinaisons originales, ingénieuses de couleurs. L'invasion européenne et le monothéisme ont détruit ces vestiges d'une civilisation qui eut sa grandeur. Aujourd'hui, quand les Tahitiens se mêlent d'édifier un monument décoratif, ils réalisent des miracles de mauvais goût, dans le genre du tombeau de Pomaré. Ils ont perdu leur sens natif, et dont pourtant ils furent si richement doués, de l'accord nécessaire des créations humaines avec la vie animale et végétale qui constituent leur cadre et leur décor. À notre contact, à notre école, ils sont vraiment devenus des sauvages, dans l'exception que l'Occident latin prête à ce vocable. Restés beaux eux-mêmes, comme des chefs-d'œuvre de l'art, ils se sont, nous les avons, stérilisés au moral, au physique aussi. Il existe quelques traces de Maraès. C'étaient des parallélogrammes interrompus par des ouvertures. Trois côtés consistaient en murs de pierre, de 4 à 6 pieds. Une pyramide moins haute que large formait le quatrième. En tout, 100 mètres de largeur, environ, et 40 de longueur. Les images de Leti décoraient cette architecture sommaire. La lune tient une place importante dans les spéculations métaphysiques des Maoris. On a déjà dit que de grandes fêtes se célébraient jadis en son honneur. Inna est souvent invoquée dans les récits traditionnels des Areois. Mais son concours à l'harmonie du monde, son rôle est plutôt négatif que positif. Cela apparaît clairement dans l'inquiétant dialogue plus haut cité d'Inna et de Tefatu. De pareils textes offriraient une belle matière aux exégètes, s'ils s'en trouvaient pour commenter la Bible océanienne. Ils y verraient d'abord les principes d'une religion fondée sur l'adoration des forces de la nature, très commun à toutes les religions primitives. La plupart des dieux maoris sont en effet les personnifications des divers éléments. Mais des regards attentifs, et que ne distrairait pas, que ne dépraverait pas le désir de démontrer la supériorité de notre philosophie sur celle de ces peuplades, ne tarderait pas à découvrir en de telles légendes des traits intéressants et singuliers. J'en veux signaler 2, et je me contenterai de les indiquer. Aux savants appartient le soin de vérifier ces hypothèses. c'est avant tout la netteté avec laquelle se désignent et se distinguent les deux seuls et universels principes de la vie, pour ensuite se résoudre en une suprême unité. L'un, âme et intelligence, Tarawa, est le mâle, l'autre en quelque sorte la matière et le corps du même Dieu, est la femelle. C'est Inna. À elle va tout l'amour des hommes, à lui leur respect. Inna n'est pas le nom de la lune seulement, il y a aussi Inna de fer, Inna de la mer, Inna de l'intérieur. Mais ces deux syllabes ne caractérisent que les parties inférieures de la matière. Le soleil et le ciel, la lumière et son empire, toutes les parties nobles, à ainsi parler de la manière, ou plutôt encore, tous les éléments spirituels de la matière sont Tarawa. Cela est catégoriquement formulé en plus d'un texte où l'on reconnaît la définition de l'esprit et de la matière. Or, que signifierait, si nous en restions à cette définition, la proposition fondamentale de la genèse maori ? L'univers au grand et sacré n'est que la coquille de Tarawa. Ne faut-il dans cette proposition constater la croyance initiale en l'unité de substance, comme dans la définition et le départ de l'esprit et de la matière, l'analyse des manifestations doubles de cette substance unique. Pour rare que soit un tel pressentiment philosophique chez des primitifs, il ne s'ensuit pas qu'on en doive récuser l'évidence. On voit bien que dans l'action du Dieu qui créa le monde et qui le conserve, la théologie océanienne observe deux termes, la cause génératrice et la matière fécondée, la force motrice et l'objet mu, l'esprit et la matière. On voit bien aussi que dans le parallélisme constamment sous-entendu de l'esprit lumineux avec la matière sensible qu'il vivifie, il faut reconnaître, à travers les unions successives de Tarawa aux diverses représentations d'Inna, l'influence perpétuelle et variée du soleil sur les choses. Et dans les fruits de ces unions, les modifications que la lumière et la chaleur ne cessent de faire subir à ces mêmes éléments. Mais une fois le phénomène accompli, en vue duquel les deux courants universels s'étaient rejoints, dans le fruit, la cause génératrice et la matière fécondée, dans le mouvement, la force motrice et l'objet mu, dans la vie, l'esprit et la matière s'unissent et se confondent. Et l'univers, aussitôt créé, n'est que la coquille de Tarawa. En second lieu, selon les conclusions du dialogue de Tefatu avec Inna, l'homme et la terre périssent, tandis que la lune et l'espèce qui l'habite se perpétuent. Si nous nous rappelons qu'Inna représente la matière, en qui, selon le proverbe scientifique, tout se transforme et rien ne périt, nous penserons que le vieux sage Maori, l'auteur de cette légende, en savait là-dessus autant que nous. La matière ne périt pas, c'est-à-dire qu'elle ne cesse pas d'avoir ses qualités sensibles. L'esprit, au contraire, et cette matière spirituelle, la lumière, subissent des intermittences. Il y a la nuit, il y a la mort, où se ferment les yeux, de qui semblait irradier les clartés qu'il réfléchissait. L'esprit, ou la plus haute manifestation actuelle de l'esprit, c'est l'homme. L'homme mourra, il mourra pour ne pas revivre, et l'homme dut mourir. Mais quand l'homme et la terre, ces fruits de l'union de Tarawa avec Inna, auront péri, Tarawa, lui, est éternel. Et nous sommes avertis que la matière, Inna, continuera d'être. C'est donc avec nécessité qu'éternellement en présence l'esprit et la matière, la lumière et l'objet, qu'elle s'est déjà réjouie d'éclairer, seront sollicités par le désir mutuel d'une nouvelle union, d'où naîtra un nouvel état de l'évolution infinie de la vie. L'évolution, l'unité de la substance, qui se fût attendue à rencontrer dans la pensée de ci-devant cannibale les témoignages d'une si haute culture, j'ai pourtant conscience de ne rien ajouter à la vérité. Il est vrai que Tehura ne se doutait guère de ces abstractions. Elle s'obstinait à voir dans les étoiles filantes des tupapaos errants, des génies en détresse. Dans le même esprit que ses ancêtres, et comme ceux-ci pensaient que le ciel est Tarawa en personne, que les Atuasnés de Tarawa sont à la fois des dieux et des corps célestes, elle attribuait aux étoiles la sensibilité humaine. Je ne sais en quoi ces imaginations poétiques gênerait les progrès de la science la plus positive. Je ne sais jusqu'à quel point la science la plus élevée les réprouverait. À d'autres points de vue, et pour en finir avec le dialogue de Tefatu et d'Inna, il serait susceptible d'autres interprétations. Le conseil de la lune, qui est femme, serait le conseil dangereux de la pitié aveugle, de la faiblesse sentimentale. La lune et les femmes, expression dans la conception maori, de la matière ignoreraient que la mort seule garde les secrets de la vie. La réponse de Tefatu serait l'arrêt rigoureux, mais prévoyant et désintéressé, de la sagesse suprême, qui sait que les manifestations individuelles de la vie actuelle devront s'évanouir devant un plus grand être, pour qu'il vienne et se sacrifier à lui pour qu'il triomphe. Bien plus bas, mais avec une portée poignante encore, cette réponse aurait le sens d'une prophétie nationale. Un grand esprit des anciens jours aurait étudié, mesuré la vitalité de sa race, pressenti dans son rang des germes de mort, sans plausible salut, sans possible renaissance, et il dirait « Tahiti mourra, elle mourra pour ne pas renaître ». Tehura parlait avec une sorte de religieux effroi de cette secte ou société secrète qui avait gouverné les îles à l'époque féodale, la société des Aréoïs. À travers les discours confus de l'enfant, je démêlais les souvenirs laissés par une institution redoutable, singulière. Je devinais une tragique histoire, pleine de crimes augustes, mais difficile à pénétrer, et défendue des curieux par la vertu d'un secret bien gardé. Quand Tehura m'eut dit à ce sujet ce qu'elle savait, je m'informai de toutes parts. Voici l'origine légendaire de l'illustre société. Oro, fils de Tarawa, et après son père, le plus grand des dieux, résolut un jour de se choisir une compagne parmi les mortels. Il la voulut vierge et belle, ayant le dessein de fonder avec elle, dans la foule des hommes, une race supérieure à toutes et privilégiée. Il traversa donc les sept cieux et descendit sur le Paya, haute montagne de l'île de Bora Bora, où habitaient ses sœurs, les déesses Teuri et Oa Oa. Oro, en jeune guerrier, ses sœurs en jeune fille, tous trois ainsi déguisés, partirent pour un voyage d'exploration dans les îles, afin de tâcher d'y découvrir la créature digne du baiser divin. Oro saisit l'arc-en-ciel, en posa sur le sommet du Paya une extrémité et l'autre sur la terre. Ainsi le dieu et les déesses traversaient les vallées et les flots, fastueux et charmants dans les différentes îles, où on s'empressait de les accueillir, les voyageurs donnaient des fêtes merveilleuses, auxquelles accouraient toutes les femmes. Et Oro les considérait. Mais son cœur s'emplissait de tristesse, car le dieu se faisait aimer, et il n'aimait pas. Il n'arrêtait longtemps son regard sur aucune des filles de l'homme, ne voyant en pas une les vertus et les grâces qu'il avait rêvées. Et après bien des jours consumés en vaines recherches, il se disposait à retourner aux cieux, quand il vit à Vaitape, dans l'île de Bora Bora, une jeune fille étrangement belle, qui se baignait au petit lac Tavai Aiai. Elle était de haute stature, et tous les feux du soleil brûlaient et brillaient dans la splendeur de sa chair, tandis que tous les enchantements de l'amour sommeillaient dans la nuit de ses cheveux. Oro, charmé, pria ses sœurs d'aller parler pour lui à la jeune fille. Et il se retira, en attendant le résultat de leur ambassade, sur le sommet du Païa. Les déesses, en abordant la jeune fille, la saluèrent, louèrent sa beauté, et lui dirent qu'elle venait d'Avanoou, district de Bora Bora. « Notre frère te fait demander si tu consens à être sa femme. » Vayu Raumati, ainsi se nommait la jeune fille, examina les étrangères attentivement et leur dit « Vous n'êtes point d'Avanao, mais n'importe, si votre frère est un chef, s'il est jeune, s'il est beau, qu'il vienne. Vayu Raumati sera sa femme. » Teuri et Aawa remontèrent sans tarder au Païa pour apprendre à leur frère qu'il était attendu. Aussitôt Oro, replaçant l'arc-en-ciel comme la première fois, redescendit à Vaitape. Vairaumati avait préparé pour le recevoir une table chargée des plus beaux fruits et un lit fait des étoffes les plus rares et des nattes les plus fines. Et sous les tamaris et les pandanus, dans les bois et au bord de la mer, gracieux et forts tous les deux divins, ils s'aimaient. Chaque matin, le dieu remontait au sommet du Païa. Chaque soir, il en redescendait pour aller dormir avec Vairaumati. Nulle autre fille des hommes ne devait désormais le voir sous les apparences mortelles. Et toujours entre le Païa et Vaitape, l'arc-en-ciel abaissé lui servait de passage. Or bien des lunes avaient lui et s'étaient éteintes, depuis que dans les sept cieux désolés, on ignorait la retraite d'Oro. Deux autres fils de Tarawa, Oro Tefa et Eru Tefa, prenant à leur tour la forme humaine, partirent à la recherche de leur frère. Longtemps ils errèrent sans le trouver à travers les îles. Enfin, abordant à Bora Bora, ils aperçurent le jeune dieu, assis avec sa Vahu Raumati à l'ombre du manguier sacré. Ils furent émerveillés de la beauté de la jeune femme, et voulurent lui témoigner leur admiration, et lui offrant quelques présents. Oro Tefa se métamorphosa donc en truie, et Uré Tefa en plume rouge. Puis reprenant aussitôt la forme humaine, bien que la truie et les plumes persistassent, ils s'approchèrent des deux amants, ses présents dans la main. Oro et Vahuraumati accueillirent avec joie les deux augustes voyageurs. La nuit même, la truie mit bas sept petits, desquels on réserva le premier pour une destination ultérieure. Le second fut sacrifié aux dieux. Le troisième, consacré à l'hospitalité et offert aux étrangers. Le quatrième fut nommé cochon de l'hécatombe, en l'honneur de l'amour. Le cinquième et le sixième durent être gardés, pour multiplier l'espèce, jusqu'à la première portée. Enfin, on rôtit le septième tout entier sur des cailloux chauds, à la mode maori, aussi divinement inauguré, et on le mangea. Les frères Doro retournèrent dans les cieux. Quelques semaines ensuite, Vahuraumati dit à Oro qu'elle allait être mère. Alors, Oro prit le premier des sept cochons, celui qu'on avait mis à part, et se rendit à Ariteria, au grand marais, temple du dieu Vapoa. Là, il rencontra un homme nommé Mai, à qui il remit le cochon en disant « Mai maetai oe teinei boaua, prenez et gardez bien ce cochon. » Et le dieu ajouta avec solennité « C'est le cochon sacré, dont son sang sera teinte la ceinture des hommes qui viendront de moi, car en ce monde je suis père. Ces hommes seront les Areois. À vous, j'accorde leurs prérogatives et leurs noms. Pour moi, je ne puis rester davantage ici. » Mai alla trouver le chef de Raiatea et lui conta l'aventure. Mais ne pouvant garder le dépôt sacré sans être l'ami du chef, il ajouta « Mon nom sera le vôtre, et votre nom sera le mien. » Le chef consentit, et ils prirent en commun le nom de Tara Manini. Cependant, Oro était revenu auprès de Vahuraumati, lui annonça qu'elle aurait un fils, et lui ordonna de le nommer Aotabu-te-Rai, l'ami sacré des cieux. Puis il dit « Les temps sont accomplis, et je dois te quitter. » Se changeant alors en une immense colonne de feu, il s'éleva dans l'air, majestueusement, jusqu'au-dessus du Périréré, qui est la plus haute montagne de Bora Bora. Là, son épouse éplorée et le peuple, saisi d'étonnement, cessèrent de le voir. Oatabute Rai fut un grand chef et fit beaucoup de bien aux hommes. À sa mort, il fut ravi au ciel, où Vahuraumati elle-même prit rang parmi les déesses. Oro pourrait bien être quelque brahmine errant, qui apporta dans les îles de la Réunion quand la doctrine de Brahma, dont j'ai déjà signalé des traces dans la religion océanienne. À la clarté de cette doctrine, le génie maori s'éveilla. Les esprits, capables de comprendre, se reconnurent entre eux et s'associèrent pour pratiquer à l'écart naturellement du vulgaire les rites ordonnés. Plus éclairés que les autres hommes de leur race, ils prirent bientôt en main le gouvernement religieux et politique des îles, s'arrogèrent d'importantes prérogatives et fondèrent une féodalité très forte, qui fut dans l'histoire de l'archipel la période la plus glorieuse. Bien qu'ils ne semblent pas avoir connu l'écriture, les Areois étaient vraiment savants. Ils passaient des nuits entières à réciter, mot à mot, scrupuleusement d'antiques paroles des dieux, dont le texte, maintenant fixé, ne pourrait être traduit qu'au prix d'un travail assidu de plusieurs années. Ces paroles des dieux, dont ils étaient les dépositaires uniques, auxquels il ne leur était permis d'ajouter que des commentaires, donnait aux Areois la sécurité d'un centre intellectuel, l'habitude de la méditation, l'autorité d'une mission surhumaine, un prestige enfin qui courbait autour d'eux toutes les têtes. Il y a dans notre Moyen-Âge féodal et chrétien des institutions, et le lecteur les nomme analogues à celles-là, je n'en sais point de plus simplement formidable que cette compagnie religieuse et guerrière, ce concile permanent et en armes, rendant des arrêts au nom des dieux, détenant la toute-puissance disposant de la vie et de la mort. Les Areois enseignaient que les sacrifices humains sont agréables aux dieux et sacrifiaient eux-mêmes, dans les Maraès, tous leurs enfants sauf le premier-né. Ce rite sanglant était symbolisé par les sept cochons de la légende, qui sont tous mis à mort, sauf le premier, le cochon sacré. Ne nous hâtons pas de crier à la sauvagerie. Cette obligation barbare à laquelle tant d'autres peuplades primitives se sont soumises avait des causes profondes, d'ordre social, d'intérêt général. Chez des races très prolifiques, comme fut autrefois la race maori, le développement illimité de la population menaçait son existence même, nationale et privée. Sans doute la vie dans les îles était facile, et il ne fallait pas à chacun beaucoup d'industrie pour y trouver le nécessaire. Mais le territoire très restreint et qu'environnait la mer immense, la mer infranchissable où offrait le pirogue, se fut bientôt dérobé sous les pieds d'un peuple sans cesse multiplié. La mer n'eut plus donné assez de poissons, la forêt assez de fruits. La famine n'eut pas tardé, qui a toujours eu, et dans tous les pays du monde, pour conséquence l'anthropophagie. Pour s'épargner le meurtre de l'homme, les Maoris se résignèrent au sacrifice de l'enfant. Remarquons-le, du reste, l'anthropophagie avait déjà pénétré dans les mœurs quand les Areois intervinrent. C'est pour la combattre, en détruisant les causes et c'est à un peuple d'anthropophages qu'ils imposèrent l'infanticide. On peut donc dire, bien que le côté sinistrement comique de l'observation soit de nature à réjouir quelques vaudevillistes, que l'infanticide constituait un notable adoucissement des mœurs. Il fallut sans doute aux Aréoïs une extraordinaire énergie pour réaliser ce progrès. Ils n'y parvinrent qu'en se grandissant, aux yeux du peuple, de toute l'autorité des dieux. L'infanticide fut, en outre, pour la race, un moyen puissant de sélection. Ce terrible droit d'aînesse, qui était le droit même à la vie, maintint dans le peuple l'intégrité de la force, en le préservant des produits maladifs d'un sang épuisé. Elle nourrit aussi, dans tous ses enfants de la jeunesse, le sens d'une fierté inaltérable. C'est cette force première, et c'est la dernière fleur de cette fierté, que nous admirons encore dans les produits suprêmes d'une grande race expirante. Enfin, le spectacle constant, la fréquentation assidue de la mort, était un austère et vivifiant enseignement. Les guerriers y apprenaient le mépris de la douleur, et la nation tout entière y trouvait le bénéfice d'une intense émotion qui la défendait contre l'engourdissement tropical, qui la suscitait des langueurs de la sieste perpétuelle. Le fait historique est que, du jour où fut abrogée la loi du sacrifice, les Maoris commencèrent à décliner, et finalement perdirent toute vitalité morale et toute fécondité physique. Si cela n'est pas la cause de ceci, du moins la coïncidence reste inquiétante. Et peut-être, plus haut encore, les Aréoïs avaient-ils compris la vertu profonde, la nécessité symbolique du sacrifice. Dans la société des Aréoïs, la prostitution était une obligation sacrée. Nous avons changé cela, non point qu'à Tahiti, depuis que nous l'avons comblé de bienfaits de notre civilisation, la prostitution est cessée, elle prospère. Mais elle n'est plus ni obligatoire ni sacrée. Elle est simplement sans excuse et sans grandeur. La dignité ecclésiastique se transmettait de père en fils, et l'initiation commençait dès l'enfance. La société était divisée à l'origine en 12 loges, qui avaient pour grand maître les 12 premiers Aréoïs, puis venaient les dignitaires de second ordre, et enfin des apprentis. Les divers grades se distinguaient par des tatouages particuliers, aux bras, aux côtés du corps, aux épaules, aux jambes et aux chevilles. Du loin d'autrefois du Matamuas des Aréoïs, cette scène maori, l'intronisation d'un roi. Le nouveau chef sort de son palais, revêtu d'ornements somptueux, entouré des principaux de l'île, précédé des maîtres Aréoïs, qui portent dans leurs cheveux les plumes les plus rares. Il se rend avec son cordage au marais. En l'apercevant, les prêtres qui l'attendaient sur le seuil proclame à grand bruit de trompettes et de tambours que la cérémonie commence. Puis, entrant avant le roi dans le temple, il place une victime humaine morte devant l'image du dieu. Le roi et les prêtres récitent et chantent ensemble des prières, après quoi le prêtre arrache à la victime les deux yeux. Il offre l'œil droit au dieu et l'œil gauche au roi. Celui-ci ouvre la bouche, comme pour avaler l'œil, sanglant, mais le prêtre le retire aussitôt et le joint au reste du corps. On ne peut méconnaître le sens symbolique de ce rite, claire interdiction de l'anthropophagie. On place ensuite la statue du dieu sur un brancard sculpté que portent les prêtres. Le roi, assis sur les épaules de deux chefs, suit l'idole jusqu'au rivage, accompagné des Aréoïs comme au départ. Tout le long du chemin, les prêtres ne cessent de sonner de la trompette et de battre du tambour en dansant. La multitude marche derrière, silencieuse et respectueuse. À l'anse du rivage se balance la pirogue sacrée, décorée, pour cette solennité de branches vertes et de fleurs. On y introduit d'abord l'idole, puis on ôte au roi ses vêtements et les prêtres les conduisent dans la mer, où les Atuas Mao, les dieux requins, vont le caresser et le laver dans les flots. Ainsi, consacré une seconde fois par le baiser de la mer, sous les regards du dieu, comme il l'a été une première fois par le dieu lui-même dans son temple, le roi monte dans la pirogue sacrée, où le grand prêtre lui ceint autour des reins le maro aourou et autour de la tête le taou mata, les bandeaux de la souveraineté. Debout à l'avant de la pirogue sacrée, le roi se montre au peuple. Et le peuple, à cette vue, rompant enfin son long silence, fait retentir de toutes parts le cri solennel « Maiva, Hari, vive le roi !» Quand le tumulte de ce premier mouvement d'allégresse a cessé, on place le roi sur le lit sacré, où tout à l'heure était l'idole, et on reprend le chemin du marae. À peu près dans le même ordre processionnel qu'on a observé pour en venir. Les prêtres portent l'idole, les chefs portent le roi. Les prêtres ouvrent la marche avec leur musique et leur danse. Le peuple vient derrière, mais maintenant, s'abandonnant à sa joie, il ne cesse de crier « Maiva, Hari !» L'idole est solennellement rétablie sur l'autel. Ici se termine la fête religieuse. La fête populaire va commencer. Comme il a communié avec les dieux dans leur temple, comme il a communié avec la nature dans la mer, le roi va communier avec son peuple. Il est à craindre que les missionnaires, qui nous ont conservé ces traditions, aient légèrement, dans un but qu'on devine, calomnié sur ce point, comme sur tant d'autres, les ancêtres de leurs ouailles. Mais à travers ce qu'il a de brutal, de grotesque et même de répugnant, on conviendra peut-être que ce rite suprême ne manque pas d'une singulière beauté. Le roi, couché sur des nattes, va recevoir le dernier hommage du peuple, hommage frénétique d'un peuple sauvage. C'est toute une foule exprimant son amour pour un homme, et cet homme est le roi. C'est le dialogue grandiose jusqu'à l'horreur et jusqu'à l'épouvante d'un homme et de la foule. Demain, il sera le maître. Il disposera à son gré des destinées assujetties à la sienne, et tout l'avenir est à lui. La foule n'a qu'une heure. Des hommes et des femmes entièrement nus entourent le roi en dansant des danses lascives, et s'efforcent de toucher certaines parties de son corps, de certaines parties du leur. Il ne parvient pas toujours à éviter les contacts, à se préserver des souillures. Et l'épilepsie populaire grandit, devient furieuse. Toute l'île douce vibre d'affreux cris. Dans le soir qui tombe, l'apparition fantastique d'une multitude folle aux gestes forcenés. Mais tout à coup, les sons de la trompette et du tambour sacerdotaux retentissent. Fin de l'hommage, fin de la fête, signal de la retraite. Les plus délirants obéissent, tout s'apaise. Un brusque silence absolu s'est fait. Le roi se lève et rentre dans son palais, accompagné de sa suite, solennellement, majestueusement.